La Première. 13h15, 14h30. Un jour dans l'histoire. Laurent de Hausset. Dans son ouvrage intitulé « Les maîtres du roman policier » paru chez Bordas en 1991, Robert Deleuze, essayiste et romancier français, écrit « Le jour où l'on décidera de s'atteler de façon sérieuse à une étude sur le roman policier européen qui existe, nous constaterons de manière évidente qu'à côté des chapitres français et anglais, le roman belge saura tenir son rang. C'est pas mal quand même. Allons donc y jeter un coup d'œil par nous-mêmes. Parole aujourd'hui à quatre magnifiques talents atmosphériques du plat pays, quatre plumes qui, si elles n'ont pas traversé les ans avec le même succès, la même notoriété, n'en sont pas moins la démonstration éclatante de la diversité de ce roman policier à la belge. Thomas Owen, très influencé par le surréalisme, Paul Quinet, qui commencera par diriger une revue de cinéma, Stanislas André Steman, auteur de L'Assassin habite au 21, et bien entendu Georges Simenon. Retrouvons-les au travers des archives de la Sonuma dans une séquence réalisée par Laurence Arianoff. La Première, 13h15, 14h30, un jour dans l'histoire. Gérald Berthaud ouvre les yeux sur ce monde terriblement compliqué quand même. Le 22 juillet 1910 à Louvain, il nous quitte 92 ans plus tard, le 1er mars 2002, bien des années plus tard, vers la trentaine, après des études de droit, alors qu'il est déjà père de famille et employé dans une entreprise de fabrication de farine. Il publie, sous le pseudo de Stéphane Rey, un premier roman intitulé Gordon Oliver mène l'enquête. Nous sommes en 1941 et c'est sous le conseil de son aîné de 4 ans, Stanislas André Steman, qui l'encourage à persévérer dans le policier, que Gérald devient Thomas Owen. Par la suite, Owen se tournera vers la littérature fantastique avec la parution en 1943 d'une histoire intitulée Les chemins étranges. Et c'est avec ce genre particulier, contes et récits d'épouvante, qu'il sera reconnu par le grand public. Voici notre homme dans un extrait d'une interview de 1976, terrible année de canicule chez nous. C'était à l'occasion de son entrée à l'Académie de littérature et langue française. J'ai toujours été très attiré par cette littérature, parce que j'ai lu quantité de choses, depuis Edgar Poe, bien entendu, Barbey d'Aurevilliers, tout ça, fort jeune. Mais je suis d'origine gaumaise, j'avais une grand-mère villageoise qui connaissait beaucoup de légendes et beaucoup d'histoires, de loups-garous, de sorcières, qui m'en a beaucoup raconté. Au fond, je crois qu'elle a eu une influence sur mon inspiration. Au surplus, il est vraisemblable que dans cette littérature, je me suis défoulé. Dieu sait les choses horribles que j'aurais faites si je ne les avais pas écrites. Alors finalement, Thomas Owen, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes meunier ou est-ce que vous êtes écrivain? Je suis les trois. Je suis meunier, je suis écrivain de fiction et je suis critique d'art, donc journaliste. Qu'est-ce qui vous plaît le plus là-dedans? En tous les trois, non, moi je suis l'homme à tout retenir. Mais meunier, ça c'est pour gagner votre vie, évidemment. Ah, oui, bien sûr. Ça, mais enfin, ça m'a toujours beaucoup passionné parce que, indépendamment du fait que j'ai toujours fait mon travail avec beaucoup d'assiduité. J'ai eu assez de succès dans cette branche, puisque je me suis occupé d'organisations professionnelles, et que, tenez-vous bien, je suis aujourd'hui président de la Meunerie internationale, ce qui est assez original, tout de même. C'est assez fantastique. Et dans ces contes fantastiques, qu'est-ce que vous voulez démontrer, finalement? Enfin... Bon, je crois qu'on ne veut rien démontrer, on écrit parce que c'est un besoin. Marcel Thierry a dit, quand on vous demande pourquoi l'on compte, autant vous demander pourquoi l'on vit, c'est à peu près ça. Vous avez besoin d'écrire. C'est un besoin d'écrire. Et alors on s'aperçoit malgré tout qu'on essaye de pénétrer un peu dans le côté absurde de l'existence, essaye de découvrir le secret de notre présence ici et le secret de nos agissements. Et il y a beaucoup de choses que l'on ne se formule pas, mais que l'on devine, et que si vous faisiez l'introspection de tous vos actes, vous leur trouveriez parfois des mobiles bien inattendus. C'est ça le fantastique, c'est l'insolite intérieur. Il arriva qu'un jour, un riche collectionneur arabe s'aperçut de la beauté étrange de Déchirure. Cette personne me plaît assez. Est-elle à vendre? L'antiquaire interloqué regarda Déchirure et celle-ci fit signe « oui » de la tête. « Quel est son prix ?»« 50 000 $, » dit-elle. Il faudrait réduire de moitié. Le haut me suffit. Entendez-moi, je ne m'intéresse qu'au buste de madame, pas à la moitié inférieure. Mais cette personne est vivante, dit l'antiquaire éberlué. Je ne puis tout de même pas la couper en deux. Peu importe qu'elle soit vivante ou non, Ce qui me plaît, c'est la tête, les seins, les bras, tout le haut, nombril compris. Je veux faire naturaliser la seule partie qui m'intéresse. Vous pouvez garder l'autre. S'il n'y avait pas de quotidien, il n'y aurait pas de fantastique. S'il n'y avait pas de fumier, il n'y aurait pas de fleurs. En fait, c'est un peu ça la vraie comparaison. Le quotidien nourrit le fantastique. Et le fantastique a besoin du quotidien pour pouvoir y faire irruption. Sinon, il serait dans le vide et nous, on ne s'intéresserait pas à lui. Lorsqu'à la fin de la guerre, les livres européens ont recommencé à circuler, que la collection Le Masque était vendue en Belgique, que des livres anglais entraient, la grande faveur des romans policiers belges a disparu d'un jour à l'autre. C'était terminé. Tous ceux qui s'étaient fait un nom n'ont pas survécu. Ils ont disparu dans la nature. Donc c'est pour vous adapter aux conditions du marché que vous... Alors moi, je suis véritablement adapté aux conditions du marché pour des raisons bassement commerciales. C'est pas un penchant naturel. Bassement commercial, j'ai basculé tout doucement de ce policier que l'on abandonnait vers ce fantastique auquel on prenait goût. Et j'y ai moi-même bien réussi. Mais ça correspondait incontestablement à mon tempérament parce que tout enfant, je me rappelle, j'inventais des histoires que je racontais à mes frères, sœurs, petits cousins, petits amis, petites amies, qui les terrorisaient et qui les remplissaient d'admiration. Quel genre d'histoire ? Oh, ben toutes des histoires de loups-garous, de femmes qui se changeaient en chats la nuit, de prémonitions, de revenants, enfin on peut inventer à l'infini là-dessus. Hein. Et vous aviez déjà lu à cette époque ce genre d'histoire ? Comment elle pouvait-elle être dans votre imagination ? Mais si vous vous mettez à rêver... Vous pouvez aller très loin hein, dans la prospection de l'inconnu comme ça. Vous rencontrez partout, derrière chaque arbre, vous trouvez un petit gnome ou une fée qui se promène. Hein. Il faut être complice, évidemment, hein. Il ne faut pas être sceptique. Il faut avoir un don de crédulité qui se traduit en don de persuasion vis-à-vis des autres. Est-ce que écrire est toujours une joie ou parfois c'est une épreuve qui demande une peine ? Non, c'est toujours une joie. Pour moi, c'est toujours une joie, mais c'est aussi... une discipline. Je m'efforce toujours d'écrire très bien au premier jet et que j'ai très très souvent, en tout cas, peut-être pas dans mes articles toujours, mais en tout cas dans mes contes ou mes romans, j'écris toujours au moins deux fois mon texte. Finalement, je ne me mets jamais devant une page blanche parce que la page blanche me paralyse. Si je m'installe, c'est pour écrire parce que j'ai déjà quelque chose à dire. Et ce quelque chose est né d'une rencontre que j'ai faite, d'une lecture que j'ai faite et de certains mots dont la sonorité ou le fait d'être le rapprochement fait naître en moi un climat. J'essaie toujours de me servir d'événements de la vie, de gens que j'ai connus, de souvenirs. Ou de gens qui sont morts, ou qui sont oubliés, ou dont je puis parler sans créer des indiscrétions déplaisantes. Mais le plus beau stimulant de l'imagination, c'est toujours la mémoire. Alors là, observer les gens, c'est trouver des sujets. Il n'y a pas de doute qu'on n'invente pas en matière de psychologie, on n'invente pas. On retrouve toujours un chemin où quelqu'un est passé. Et je trouve que c'est ça qui fait l'intérêt de ma littérature, c'est que je ne suis pas condamné à respecter toute une architecture de roman, parce que mon écriture est très fantaisiste. Elle ne se situe pas dans un lieu déterminé, elle ne se situe pas dans un monde social déterminé. Elle se situe chez des êtres qui ont leur personnalité propre, mais qui ne font pas nécessairement catalogable. L'exorciste n'avait aucune allure, alors qu'on pouvait s'imaginer rencontrer là un moine impérieux à stature de condottière ou un prêtre noir inquiétant comme un inquisiteur au regard de braise, on tombait sur un petit personnage équivoque, mou, poudré de blanc jusqu'aux cils, qui faisait songer à l'hermaphrodite du Satyricon de Fellini. Il vivait entouré de domestiques mâles, gens de couleur, de taille superbe, distants et mystérieux. Je vous le disais, monsieur le juge, un oiseau rare. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Bonjour, mademoiselle. Et ce jogging matinal? Elle réussit le tour de force d'habiter les lieux mêmes du crime et d'arriver trois quarts d'heure après tout le monde. Ça faisait 5 ans que je le voyais tous les jours et je savais même pas de quoi il vivait. D'après ce qu'on a trouvé, il faisait des piges pour des canards de troisième ordre. Des critiques, des échos, des trucs comme ça. Mais j'ai trouvé des super photos pour nos longues soirées de garde. Meurtre à domicile, adapté pour le cinéma par Jean Van Hamme et Marc Lobet. Adaptation du roman Hôtel meublé de Thomas Owen. Et à l'affiche, il y avait notamment Bernard Giraudot et Annie Dupéret. Thomas Owen, on l'entendait notamment dans ce reportage réalisé par la journaliste Marie-Hélène Rabier en 1985. Alors, autre grande figure du roman policier à la belge, Paul Quinet, de son vrai nom Paul Maury, c'est aussi un digne représentant, né le 15 mars 1915 à Bruxelles. Il meurt 79 ans plus tard, en 1994. Et comme Thomas Owen, il poursuit des études de droit avant de se diriger vers une revue de cinéma et de se lancer dans le reportage. Ainsi couvrira-t-il la guerre civile espagnole qui, dit-on, va l'inspirer pour ses premiers romans policiers, La mort au téléphone et Chambre de mort à Barcelone au tout début des années 40. Alors, sous l'occupation, il écrit notamment dans le journal Le Soir, que l'on appelle Le Soir volé, puisque sous l'influence de l'occupant, un feuilleton intitulé Dupont et Dupont détective, qui reprend les personnages croisés dans les aventures de Tintin d'Hergé, Hergé, qui l'autorise à faire cet emprunt et qui illustre d'ailleurs le travail. Alors, Quinet publiera aussi dans la prestigieuse collection Le Masque, traducteur pour des guides touristiques et pour la célébrissime série noire, pour les éditions Marabout aussi, directeur d'une entreprise d'édition publicitaire. Après la Libération, il va publier sous divers pseudos avant de revenir à son nom à la fin des années 60. En 1978, il remporte le prix du roman d'aventure avec son livre « Voir Beaubourg et mourir ». On l'écoute au micro de Jacques Bourlet. Nous sommes en 1981 à l'occasion de la parution de « Quatre morts pour un fantôme ». À 19 ans, j'ai fait un reportage sur la guerre d'Espagne pour l'Avant-Garde et pour la Libre Belgique. C'est très, très bizarre, c'était à gauche et à droite. Et les deux journaux voulaient des reportages objectifs sur ce qui se passait dans le territoire républicain espagnol. Et je suis parti à Valence, à Barcelone, à Madrid, avec tout un groupe, notamment des députés, des hommes politiques et des journalistes belges qui faisaient un voyage ensemble pour aller voir ce qui se passait en Espagne. Et le cadre même m'a inspiré deux idées de romans policiers. Et comme je n'avais jamais écrit et que j'étais collaborateur à Libre Belgique, je me suis fait aider par Ludo Patrice, qui était à l'époque l'un des journalistes importants de la Libre Belgique. Et nous avons écrit ces deux bouquins ensemble. Ça s'appelle « Chambre de mort à Barcelone » et « La mort au téléphone ». Ce sont les deux premiers que j'ai écrits avant la guerre. Et puis, pendant la guerre, j'ai commencé à écrire des romans policiers dans la collection de jury de Stéman. Stanislas André Stéman est tout de même un auteur belge, l'un des principaux auteurs belges de romans policiers. Je ne le mets pas sur le même plan que sinon, c'est autre chose. Ça se passe comment? Quoi? Écrire le roman, ça se passe comment? J'imagine. Sur un indice, comme pour une enquête? Non, j'imagine au départ une situation dont j'ignore le dénouement. Je crois que c'est le seul moyen de jouer comme le lecteur lit. Au fond, j'écris un roman policier comme le lecteur va le lire. Alors, c'est pousser les choses au maximum, poser des pièges à soi-même? Se poser des pièges et puis les résoudre. Et il faut que... Finalement, il faut en sortir. C'est exactement ce que je demande à mon lecteur. Et ça ne pose pas de très gros problèmes, parce que je crois qu'on peut dénouer toutes les situations, finalement, puisque toutes les situations existent. Votre commissaire de confiance, c'est le commissaire Furnel. Pourtant, oui. Vous ne le présentez pas comme un super-héros, ce serait plutôt le contraire. Non, c'est un policier, c'est un flic comme la plupart des policiers de la police judiciaire. J'en ai connu un, je ne dis pas que Furnel soit tiré de ce modèle de façon exacte, mais enfin, j'en ai tiré des indications. Et ces policiers ont autant d'échecs que de réussites, finalement. Et quand ils réussissent, c'est parce qu'ils ont des tas d'éléments qui jouent pour eux. Finalement, c'est un compte-rendu objectif de ce qui se passe... De ce qui se passe réellement dans la police judiciaire quand un policier, un commissaire, un inspecteur est chargé de dénouer une affaire. Dans Quatre morts pour un fantôme, l'inspecteur Furnel, le commissaire Furnel, pardon, joue de malchance, va de malchance en malchance. Il est expédié aux États-Unis pour remonter une filière, mais finalement, ce n'est pas lui. On ne va pas révéler la fin du livre. Ce n'est pas lui qui va tirer les ficelles. C'est rarement lui, finalement, qui tire les ficelles. Lui, il coordonne. Et puis, il bénéficie de tous les apports qu'il a, qui a des antennes, qui est un policier qui cherche. Mais finalement, s'il n'est pas aidé par les circonstances et par son entourage, il n'arrive à rien, comme la plupart des policiers de la police judiciaire française ou américaine ou anglaise. Tiens, pour démêler une intrigue, lorsqu'on s'est enfermé dans la chambre jaune, pour reprendre cet exemple-là, est-ce que l'intuition vous aide dans le travail ? Non, là, je crois que c'est de nouveau le mathématique. Mathématique, bien sûr. Le gros problème, bon, le mystère de la chambre jaune, où on enferme un personnage, bon, je ne vais pas encore dévoiler, mais j'écris un bouquin en ce moment-ci où on annonce à Furnel qu'un meurtre va être commis dans un immeuble, on ne dit pas lequel, mais dans une rue bien déterminée de Paris, rue Ballu, à telle heure. Il y va, on déploie tout. Bien sûr, il ne peut rien empêcher puisqu'il ne sait pas où ça va se passer, mais ça se passe. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un appartement, porte fermée, où l'occupant a disparu. Il y a eu un bruit, il y a des traces de lutte épouvantables, il y a eu des cris, l'occupant a disparu. Une fenêtre est ouverte, l'occupant est parti, ou son assassin est parti avec le cadavre sur les bras, on ne sait pas. Et à partir de là, j'ai accumulé un certain nombre d'indices, sans savoir à quoi ils vont correspondre finalement. Et c'est là qu'il faut commencer à chercher. Mais si vous n'accumulez pas des indices, vous ne pouvez rien résoudre. C'est toujours à la dernière page qu'on connaît la vérité ? Dans les dernières pages, oui, bien sûr. C'est une tradition qui doit être respectée ? Mais il faut laisser... C'est un problème de suspense, ce n'est pas une traduction. C'est pour que le lecteur soit tenu en haleine jusqu'au bout. Parce que si le lecteur découvre au milieu du bouquin tout ce qui s'est passé, ou bien il ne continue que parce que l'auteur lui paraît intéressant du point de vue littéraire, du point de vue de son récit, mais il ne continue plus pour rechercher la vérité. Il la connaît. Il faut éviter qu'il la connaisse. Vous êtes exigeant avec vous-même lorsque vous écrivez. Je parle du style. Oui, moi oui, je trouve que le roman populaire, ça ne veut pas dire qu'il faut écrire absolument, qu'il faut faire des fautes de syntaxe et des fautes d'orthographe. Hein. Bon, fautes d'orthographe, je sais bien qu'on n'en fait plus, qu'il y a des correcteurs pour les empêcher encore que c'est autre chose, mais des manuscrits... J'en ai lu parce que j'ai fait partie du jury du prix du roman d'aventure. Après l'avoir gagné moi-même, j'étais membre du jury ensuite. Est-ce qu'on lit les confrères ? Oui, mais sans oui, doute, dans le cadre de la préparation d'un prix. Oui, disons, on les lit, bien sûr. Moi, je les lis. On ne trouve jamais la même idée chez un collègue ? Ça arrive, bien sûr. Qu'est-ce qu'on se dit alors ? Bon, finalement, les idées, elles ne sont pas tellement nombreuses dans ce domaine, le roman policier. Je crois que toutes les situations ont été exploitées. Il faut simplement les placer dans un autre cadre et les placer dans d'autres circonstances. Je ne pense pas qu'il soit possible. Enfin, j'essaye, mais c'est très difficile de trouver des situations nouvelles. Je crois en avoir trouvé une. Mais si je la trouve chez un autre, je me dirais, bon, je n'ai pas trouvé, c'est tout. Parce que toutes les grandes situations ont été faites. Hein. Vous avez ABC contre Poirot. Je prends cet exemple-là, c'est un cas classique. C'est l'intrus dans une série. Vous pouvez exploiter ça de 10 manières. Mais une fois que vous l'exploitez de 10 manières, on ne peut plus recommencer. On ne peut pas recommencer éternellement à baisser contre Poirot. Ni le meurtre de Roger Ackroyd, où c'est le narrateur qui est l'assassin. J'ai fait ça aussi dans un de mes bouquins, d'une façon différente d'Agatha Christie. Mais les situations, les grandes situations, le mystère de la chambre jaune, c'est une situation. On ne peut pas la recommencer 10 fois, le meurtre en vase clos. Et voilà, Paul Kinney, spoiler en chef, donc au micro ici de Jacques Bourlet en 1981. Et nous voici à Liège, le 23 janvier 1908. Le carnet rose nous apprend la naissance de Stanislas André Stéman au numéro 22 de la rue d'Artois dans le quartier des Guillemins. Quelques années plus tard, en 1931, après s'être passionné pour la bande dessinée, ST reçoit le prix du roman d'aventure pour 6 hommes morts, premier roman où apparaît son héros, Wenceslas Wrobejczyka, alias Monsieur Wens, déjà présent dans quelques nouvelles des 1930. Ces romans sont principalement publiés dans la collection Le Masque et pour une douzaine d'entre eux quand même, hein, portés à l'écran. Ainsi, le fameux Assassin habite au 21, réalisé par Henri-Georges Clouzot. C'est son fils, André Stéman, et oui, l'humoriste belge bien connu des spectatrices et spectateurs de la RTB, qui s'en souvient en 1983. C'est un être compliqué de toute façon, très compliqué pour les femmes en tout cas. C'est ce qu'elles m'ont toutes dit. Oui, parce qu'il a été marié 2 fois. Alors, j'ai quand même des confidences de 2 femmes. Et c'était un être très compliqué qui était à la fois cruel, à la fois très bon, à la fois très gentil, à la fois très méchant. Il pouvait être beaucoup de choses à la fois. Et d'ailleurs, je crois que dans ses livres, ça transparaissait. Est-ce qu'il ressemble au personnage de M. Owens? On a dit qu'il y ressemblait, oui, certains journalistes ont dit qu'il y ressemblait, moi je le connaissais trop, mais enfin, lui-même avait ce charme d'islave. Il était grand, il était distingué, Monsieur Owens aussi, bien entendu, et Monsieur Owens avait beaucoup d'élégance, beaucoup d'allure. Alors, disons que sur ce plan-là, oui, il c'était en tout cas un personnage humoristique très froid, et mon père pouvait être très froid. Est-ce qu'il était sérieux, votre père ? Dans la vie, il n'était pas sérieux, il adorait jouer beaucoup. Et on jouait, lui et moi, même quand j'étais tout à fait adulte, on se poursuivait à Menton dans la villa avec des verres d'eau comme des gamins. Il pouvait jouer, on pouvait des fous rires comme des gosses. Non, il n'était pas sérieux du tout. Et même encore une fois, dans ses livres d'ailleurs, chaque livre était un jeu différent avec le lecteur. Il adorait jouer. Il aimait jouer avec le lecteur. Ah oui, c'est sa grande passion, d'avoir l'idée toute simple. Narguer le lecteur jusqu'au bout, donner la réponse. Il y a des livres où la réponse est en toutes lettres. Il adorait avoir une intrigue très difficile et à la fois toute simple. Parce que dans ses livres, c'est toujours très simple. Il suffit de 3-4 lignes pour expliquer un dénouement. Ça, c'est très beau. Et quand il écrivait, est-ce qu'il avait des manies? Ben oui, il avait des manies. Il avait en tout cas deux manies, c'était de vouloir gagner à la roulette. Ce qui fait qu'il cherchait une martingale. Et tout en réfléchissant, il faisait des petits chiffres. Je ne sais pas, je ne connais pas assez en roulette, mais pour chercher le moyen de gagner à la roulette, paraît-il, faut faire des petits chiffres, aller chercher des trucs. Bon, alors ça, il a fait sur des feuilles manuscrites, c'est absolument incroyable. D'un côté, il y a des manuscrits, de l'autre, il y a les petits chiffres. Ça, c'est ce qu'on appelait les petits chiffres, je me moquais souvent de lui. Et une autre manie qui était celle de mordiller ou de grignoter, et parfois de manger la veste de son pyjama quand il écrivait. Ah oui, ça, il y a des photos qui le montrent. Et, ou bien la journée était bonne et il mordillait un petit peu, mais quand on revenait le soir et qu'il y avait des lambeaux, c'était son pyjama, il a consommé quelques pyjamas, mais à tel point qu'on ne les lui renouvelait plus, quoi. Il allait jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il en a, pour ainsi dire, mangé. Il était très, très nerveux. Très, très nerveux quand il écrivait, c'était terrible. Il écrivait très très lentement, il travaillait ses phrases à fond, il cherchait le mot juste, il fichait un livre au panier lorsqu'il n'en était pas content, même si nous, sa deuxième femme et moi, si ses amis enfin, aimaient bien son manuscrit, si lui n'en était pas content, rien à faire, ça ne passait pas. Et chaque fois qu'on devait le rééditer, par exemple, quand on le rééditait 10 ans après ou 15 ans après, il reprenait le livre et il le recorrigeait. Il voulait pas qu'un livre garde la griffe qui aurait pu un peu vieillir. Heureusement, on l'a quand même empêché de toucher à son livre le plus connu, qui est L'Assassin mis au 21. Là, on lui a interdit de remettre la patte sur ce livre. Mais en fait, il s'est constamment renouvelé, semble-t-il. Ah, tout le temps, tout le temps. Il détestait être le prisonnier à la fois d'une idée ou d'un personnage. Et quand l'éditeur lui demandait d'écrire 5 ou 6 livres, comme M. Owens était un personnage et qui a eu son heure de gloire, alors on lui a demandé d'écrire des Owens, comme on dirait à un autre d'écrire des Les Micochions et compagnie. Et il suffisait qu'on lui dise ça pour qu'il change de personnage. Il ne voulait pas être enchaîné. Il était incapable d'écrire sur mesure, il était incapable d'écrire à la demande. Encore plus incapable, évidemment, d'avoir des nègres, comme ça s'est passé pour pas mal, quand même, d'auteurs de romans policiers qui devaient énormément, dont la production était intense. Ça, il n'a jamais pu. Même quand il avait des problèmes d'argent très importants, eh bien, il n'aurait jamais pu écrire un peu plus vite pour cela. Jamais. Alors, il avait horreur d'être enchaîné à un éditeur, et c'est pourquoi, d'ailleurs, il s'est mis mal avec chacun d'eux. Il estimait qu'un auteur n'avait pas le droit de mal écrire et il estimait aussi qu'un écrivain aurait dû avoir un permis d'écrire comme on a son permis de conduire. Il ne pouvait pas imaginer que n'importe qui écrive n'importe quoi. Et on l'avait dit un jour, assez jeune d'ailleurs, qu'il était l'Anatole France du roman policier. Ça l'avait beaucoup fait plaisir et ça l'avait beaucoup flatté. Et je dois dire qu'il était très puriste. Ça ne se sentait pas dans ses phrases. Il n'y avait pas énormément de phrases avec des subjonctifs imparfaits. C'est pas ça. Mais enfin, il n'y a pas une faute de français dans ses livres. Et il adorait corriger les livres des autres. Finalement, combien de romans a-t-il écrit? Il a écrit en tout, je crois, que c'est 43 ou 44 livres. Dont, alors, si on supprime ceux du début, etc. Enfin, donc, il a écrit, à mon avis, 38 romans. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est énorme, en revanche, c'est la proportion des films qui ont été tirés de ces romans. Car il y a eu 13 films. Il a été donc scénariste, adaptateur, plusieurs fois au cinéma, mais il a aussi été acteur, paraît-il. Oui, ah, c'est pas le plus brillant de sa carrière, mais effectivement, ça l'amusait beaucoup, encore une fois, par jeu. Hein, parce que sinon, je crois qu'un sinon n'aurait jamais accepté ça. Mais lui, par jeu, pourquoi pas? Ce qui fait qu'en 1939, quand Henri Storck a produit Monsieur Wenz en croisière, tiré d'une de ses nouvelles, et c'est Georges Jamin qui a fait le film en 1939, eh bien, il a joué pour la première fois ce petit personnage là, dans ce film court-métrage. Et puis, il a rejoué un rôle dans l'un de ses romans, Le mannequin assassiné. Alors là, c'est resté Le mannequin assassiné, c'est rare ça. Au cinéma, il a joué également là le rôle d'un médecin. Je recherche le film, celui-là je ne l'ai pas. Et alors, sa dernière tentative, là, disons, où il était quand même le moins mauvais. Moins mauvais, hein. Il n'était pas bon acteur? Ah non, non, ça, il n'était pas bon acteur et il s'en rendait compte. Mais enfin, c'est assez curieux quand même, parce que dans Mystère à Shanghai, qui est tiré de la nuit du 12 au 13, et l'affiche mentionne d'ailleurs la nuit du 13, on démolit ce qu'on peut, eh bien, là, il jouait, avec Hélène Perdrière notamment, il jouait un personnage pas très honnête. Et là, il a une scène ou deux dans ce film où il joue en forçant un petit peu la note. Mais enfin, quand on sait que c'est l'auteur, que c'est le romancier avant tout, c'est assez intéressant à regarder. Vous m'avez bousculé une fois de trop. Voilà l'homme qui m'a échappé cette nuit. Assieds-toi. Vous avez des tas de choses à nous raconter. Qui est-ce? Ma fiche, les comptables. Où l'avez-vous cueilli? Not Station. Il montait dans les trains. Comme ça? Sans rien nous raconter? Je ne suis pas bavard. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et voici donc un extrait de Mystère à Shanghai d'après un roman et avec Stanislas André Stemann. On écoutait son fils, bien sûr, Stefan Stemann, dont on se souvient pour ses émissions humoristiques avec Marion, notamment sur les antennes de la RTB. Voici pour ces grandes figures belges du roman policier. On manque un petit peu de temps pour évoquer Georges Simenon, mais c'est promis, ce n'est qu'une partie remise. Retrouvez cette séquence de Laurence Arianoff avec les archives de la Soluma sur Ovio. Un jour dans l'histoire, sur la première... Laurent de Hausset.